avant d'en sortir, bien qu'elle ne sentait aucun appétit, l'idée lui vint d'acheter un morceau de pain qu'elle mangerait avant de s'endormir. Elle entra chez son boulanger. « Voulez-vous me vendre une livre de pain ?»« Tu as de l'argent ?» demanda la boulangère à qui cette nounou n'inspirait pas confiance. Elle mit, sur le comptoir, derrière lequel la boulangère était assise, sa pièce de 5 francs. « Voici 5 francs. Je vous prie de me rendre la monnaie. » Avant de couper la livre de pain qu'on lui demandait, la boulangère prit la pièce de 5 francs et l'examina. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda-t-elle en affaissant son nez sous le marbre du comptoir. « Vous voyez bien, c'est 5 francs. Qu'est-ce que tu as dit d'essayer de me passer cette pièce ?»« Personne, je vous demande un livre de pain pour mon dîner. Eh bien, tu n'auras pas de pain. Je t'ai une gâche à filer plus vite si tu ne veux pas que je te fasse arrêter. » Perrine n'était pas en situation de tenir sa tête. « Pourquoi m'arrêter ?» balbutia-t-elle. « Parce que tu es une voleuse. »« Oh, madame, qui vont me passer une pièce fausse. Vas-tu te sauver ? Voleuse, vagabonde, attends un peu que j'appelle un sergent de ville. » Perrine avait conscience de n'être pas une voleuse, bien qu'elle ne sût pas si sa pièce était bonne ou fausse. Mais vagabonde, elle était, puisqu'elle n'avait ni domicile ni parents. Que répondrait-elle au sergent de ville ? Comment se défendrait-elle si on l'arrêtait ? Que ferait-on d'elle ? Toutes ces questions lui traversaient l'esprit avec la rapidité de l'éclair. Sa pendentelle était sa détresse qu'avant d'obéir à la peur qui commençait à la serrer à la gorge, elle pensa à sa pièce. « Si vous ne voulez pas me donner du pain, au moins rendez-moi ma pièce, » dit-elle en tendant la main. « Pour que tu la passes à jour, n'est-ce pas ? Je la garde, ta pièce. Si tu la veux, va chercher un sergent de ville. Nous l'examinerons ensemble. En attendant, fiche-moi les camps. Et plus vite que ça, voleuse !» Les cris de la boulangère qui s'entendait de la rue avaient arrêté 3 ou 4 passants et des propos échangés entre eux curieusement. « Qu'est-ce que c'est ? Cette fille qui a voulu forcer les tiroirs de la boulangère, elle marque mal. Il n'y a donc jamais de police quand on a besoin ?» Affolée, Perrine se demandait si elle pourrait sortir. Cependant, on la laissa passer. Mais l'accompagnant d'un jour de ouais, sans qu'elle osait se sauver à toutes jambes, comme elle en avait envie, n'y serait tourné pour voir si on la poursuivait point. Enfin, après quelques minutes, qui pour elle furent 2 heures, se trouva dans la campagne, malgré toute heure respirant. Pas arrêtée, plus d'un jury. Il est vrai qu'elle pouvait se dire aussi, pas de pain, plus d'argent. Mais là, c'était l'avenir. Et ceux qui, aux 3 quarts noyés, remontent à la surface de l'eau, n'ont pas pour première pensée de se demander comment ils souperont le soir et dîneront le lendemain.